Vampire énergétique, peux-tu en parler? Ben oui, c'est du monde qui vont activer des programmes qui vont vous faire perdre de l'énergie, puis souvent c'est inconsciemment qu'ils font ça. Donc, mais c'est un sujet parmi beaucoup d'autres, là. Mais oui, il y en a des vampires énergétiques, puis même ça n'a pas besoin d'être. Il y a du monde, là, vous faites juste parler un peu avec, puis vous n'avez plus d'énergie après. Mais c'est simplement, ces gens-là n'ont pas de centre, ils n'arrivent pas à se générer eux-mêmes, puis c'est au contact des autres qu'ils vont. Ils vont se régénérer, si on peut dire, mais c'est pas nécessairement spécialement, c'est pas du mauvais monde, là, nécessairement, mais oui, il y en a. Mais là, ça dépend, vous parlez de vampires énergétiques dans le plan matériel ou. Parce qu'il y en a de toutes sortes. Il y a même de la faune qui est comme ça, dans le sens qu'on voit pas, là. Mais même là, ça tombe dans des sujets, vous faudrait en parler juste de ça, là. Le vampire énergétique, il ne peut pas vous prendre d'énergie sans votre consentement inconscient, si je puis dire. Vous savez, dans les vieux contes, là, le vampire, il ne peut pas rentrer dans votre maison. Il faut qu'il vous demande la permission. Puis, c'est inconsciemment parce que les gens ne savent pas que c'est un vampire qui vont dire oh, oui, entrez. Il y a une certaine intelligence derrière ces vieilles formes-là, dans le sens que ça exprime inconsciemment certaines choses qui sont en partie réelles. Donc, juste, de toute façon, on est dans un monde vampirique, sur une planète vampirique, puis on apprend à gérer de l'énergie dans le sens qu'il y a un transfert de la gestion des programmes à une conscience intégrale, tranquillement. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient à bout de vous vampiriser, c'est parce que vous vous mettez en condition que ça arrive. Puis c'est d'être tanné de ça, l'écœurement, d'être fatigué de ça, puis de vous rendre compte que ça vous nuit, qui va vous aider à intégrer une science de gestion de votre énergie à vous. Dans le sens, c'est pas normal que votre énergie vous quitte pour aller vers des structures de d'autres personnes. Pensez pas. En plus, souvent, ces gens-là eux-mêmes n'ont pas une gestion ergonomique consciente de leur énergie. Donc, l'énergie qu'ils prennent aux autres, ils la perdent à mesure. Ils peuvent pas. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Quelqu'un qui n'a pas une conscientisation de la gestion de son énergie ne peut pas l'avoir de celle des autres.